dans la croyance. بل يجب أن تكون واحدة. La croyance, obligatoirement, elle est seule, une seule et unique croyance. Celle sur laquelle étaient le prophète et ses compagnons, radiyallahu anhum wa sallallahu alayhi wa sallam. لماذا لأنها توقيفية. Pourquoi ? Parce que cette croyance, elle est arrêtée. La croyance, elle est arrêtée. فقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, et certes, cette communauté est une seule communauté, yani elle n'a qu'une seule croyance. Et moi, je suis votre Seigneur, adorez-moi. هذه الأمة واحدة لا تقبل الاختلاف تعبد ربا واحدا. Et donc cette communauté est une seule communauté qui a la même croyance. Et elle n'accepte pas, eh bien, la divergence dans la croyance. Et elle adore un seul et unique Dieu. وفي الآية الأخرى قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يا الله سبحانه وتعالى dans l'autre verset, qu'est-ce qu'il dit? في سورة المؤمنون. Il dit, et certes, cette communauté est une seule communauté, ou votre communauté est une seule communauté, et moi, je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes, et chaque groupe exultant de ce qu'il détient. ذَمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réprimandé ceux qui ont divergé dans ce verset. لأن الاختلاف في العقيدة لا يجوز. Pourquoi? Parce que, eh bien, la divergence dans la croyance, eh bien, c'est interdit. Il est interdit de diverger dans la croyance. فالله تبارك وتعالى أمرهم أن يكونوا أمة واحدة. Allah عز وجل nous a ordonné d'être une seule communauté et d'avoir une seule croyance. فعصوه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'ils lui ont désobéi et qu'ils se sont divisés en sectes. Wa zuburan ay kutuban kama qala Qatada wa Mujahid kullu wahidin 'indahu kitab. Yani chaque groupe a son livre vers lequel il retourne. Wa kullu wahidin 'indahu 'aqida. Et chaque groupe a sa croyance à lui. Wa 'aqidatu hadha غير عقيدة هذا. Et la croyance d'un tel ou de ce groupe-là n'est pas la même croyance que tel groupe. كل حزب بما لديهم فرحون. Chaque groupe exultant de ce qu'il détient et est heureux de ce qu'il a comme croyance. كل يرى أنه على الحق وغيره على الباطل. Chaque groupe pense que, eh bien, qu'il est sur la vérité et que les autres sont sur le faux. لا يقول نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils ne disent pas nous revenons et nous confrontons, eh bien, notre croyance au Coran, au livre d'Allah تبارك وتعالى ولا سنة du prophète صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كما الله سبحانه وتعالى ندي si vous divergez dans une chose, eh bien, rendez-le au livre d'Allah, ou à Allah tabaraka wa ta'ala et à son messager. Yani au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous croyez en Allah azza wa jal et au jour dernier. بل كل يقول إنه على الحق وحده. Mais chaque groupe dit qu'il est le seul qui est sur la vérité. كل حزب بما لديهم فرحون. Chaque groupe exulte de ce qu'il a. ومقتنع بما لديه. Il est convaincu que ce qu'il a est une vérité. بل ومتعصب له. Et encore plus, il est fanatique et il fait du fanatisme sur ce qu'il possède comme croyance.